الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. Donc nous continuons inshallah ta'ala l'explication du livre أعلام سنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc on s'était arrêté la semaine dernière à la question numéro 83. Donc nous continuons en fait notre parcours dans ce chapitre qui est un chapitre essentiel et qui est un chapitre qui est en relation avec la croyance au livre d'Allah Azzawajal. Donc le shir en fait, suivant l'ordre par lequel il a écrit son livre, il a parlé dans un premier temps, comme on a vu, de la croyance en relation avec Allah Azzawajal, l'iman ou billah, la croyance en Allah Azzawajal. Ensuite la croyance, l'iman ou billahi wa malaikati, c'est-à-dire la croyance aux anges. Et maintenant donc nous sommes rentrés dans la croyance, dans le chapitre de la croyance au livre, wa kitabi, suivant en fait l'ordre du hadith de Jibril que l'on a répété très souvent. Taïb. Donc on va en fait lire la question. Et avant de commencer la question, il faut savoir que la question 83, 84, la question aussi 85, 86, ces quatre questions en fait, qui sont les dernières questions en relation avec la croyance au livre, sont en rapport direct avec la croyance que doit avoir le musulman envers le livre d'Allah Azzawajal, Al-Qur'an, envers le livre d'Allah Azzawajal. Donc en fait, ces questions-là sont d'ordre purement ou font partie de la croyance, فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من قال بخلق القرآن Donc cette question-là est la suivante. Donc la question 83. يقول الشيخ quel est le jugement porté pour celui qui dit que le Coran est créé? Quel est le jugement porté pour celui ou à celui qui dit que le Coran est créé? Quelle est la personne, au vu de la loi musulmane, quel est le statut de cette personne qui dit en fait que le Coran est créé? Donc à travers cette question, le chien ne va pas répondre de manière directe à cette question. En fait, sa réponse va être constituée de deux réponses en fait. Va être constituée, on va dire, de deux parties. La première partie, il va en fait mettre en évidence la croyance des gens de la sunna et de consensus par rapport au Coran. Et ensuite, il va répondre à cette question de manière directe. Donc, dans la première partie de la réponse, il répond tout d'abord en établissant la croyance des gens de la sunna et du consensus envers le livre d'Allah Azzawajal, Al-Qur'an. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعاني ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال تعالى بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفة ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. Donc voilà pour ce qui est de la réponse du cheikh. Donc comme je vous ai dit, la première partie, il répond en fait, il met en évidence la croyance des gens de la Sunna et du consensus par rapport au Coran. Et ensuite, il répond directement à la question. Tout d'abord, avant de commencer dans la traduction de la réponse du cheikh et en expliquant, il faut savoir que là, en fait, il y a en fait deux questions à se poser. Il y a deux questions à se poser. Simplement, je vais en fait poser ces deux questions, c'est tout simplement pour en fait faciliter la compréhension de ce que va dire le cheikh. Pourquoi ? Parce qu'en fait il parle de la croyance des gens de la Sunna par rapport au livre. Il va parler aussi à travers sa réponse, il va aussi réfuter la croyance des innovateurs par rapport au livre. Donc en fait je vais en fait poser deux questions. Et ces deux questions, en fait, le Shir, à travers la question 83 et la question qui vient après, c'est-à-dire la question 84, le Shir, en fait, il va y répondre. Il va y répondre. Donc ça va nous permettre de comprendre bien comme il faut ces questions, de bien comprendre ces réponses. Donc la première question, et ces deux questions, en fait, c'est à travers ces deux questions que les gens de l'innovation se sont égarés par rapport à quoi ? Par rapport à leur croyance vis-à-vis du livre d'Allah Azzawajal, le Coran. La première question, c'est la suivante. هل قوله متعلق بقدرته ومشيئته أم لا؟ C'est est-ce que la parole d'Allah Azzawajal est en relation directe avec sa puissance et avec sa volonté ou pas? Donc c'est ça la question. Et donc ensuite on va y répondre. On va répondre à travers le cours la réponse du shir. Donc il faut bien noter, cette question-là pour en fait comprendre la suite du sujet. Est-ce que la parole d'Allah Azzawajal est en relation directe avec sa puissance et avec sa volonté. Ou non. C'est ça en fait la première question. هل قوله متعلق بقدرته ومشيئته أم لا? Donc on va répondre, le chien en fait il va répondre à cette question. Il va répondre à cette question, plus particulièrement dans la question 84. Donc ça il faut le noter pour comprendre la suite. Ensuite, la deuxième question est la suivante. هل قوله وكلام قائم بذاته ومتصف به أم هو خارج عن الذات ومنفصل عنه. Qu'est-ce que veut dire cette question-là? Ça c'est la deuxième question. C'est est-ce que la parole d'Allah Azzawajal est propre à sa propre entité, est propre à l'entité d'Allah Azzawajal? Est-ce que sa parole est propre à l'entité d'Allah Azzawajal? Et est-ce qu'Allah est caractérisé par cet attribut, l'attribut de la parole? Ou sinon, si ce n'est pas le cas, est-ce que cette parole-là, elle sort, elle n'a aucune relation avec l'entité d'Allah Azzawajal, et donc elle est wamun fasilun anhu, c'est-à-dire qu'elle est, comme je vous ai dit, elle est indépendante en fait. Non, elle est indépendante de l'entité d'Allah Azzawajal. Donc ça en fait c'est la deuxième question. Est-ce qu'en fait la parole d'Allah Azzawajal est propre à l'entité divine? Et est-ce qu'Allah Azzawajal est caractérisé et qualifié par cet attribut qu'est la parole? Ou est-ce que la parole, est-ce que cette parole-là est une parole qui est complètement indépendante de l'entité d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire qui n'a aucune relation avec l'entité d'Allah Azzawajal, et donc qui est, comme je vous l'ai dit, qui est indépendante? Et wa mun fasilun anhu, wa mun fasilun anhu. Donc ça en fait c'est la deuxième question. Donc ces deux questions, si on les comprend bien, on va comprendre exactement en fait ce que va nous dire maintenant le Shir à travers ses réponses et à travers ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous expliquer par rapport à la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Et il faut savoir que par rapport à ces deux questions, les gens de l'innovation se sont égarés. C'est-à-dire que certains savants disent qu'il y a eu en fait sept paroles qui ont contredit la parole des gens de la Sunna et du consensus. Sept paroles. D'autres qui disent en fait qu'il y a neuf paroles, comme Sahib Kitab Sharh al-Tahawiyya. Donc, à la kulli hal, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs paroles qui vont à l'encontre, qui sont en contradiction avec la parole des gens de la Sunna et du consensus. Et en fait, c'est par rapport à ces deux questions, c'est autour de ces deux questions que l'on vient de poser que la divergence est apparue. Donc, comprendre ces deux questions, ça va être comprendre le sujet de façon parfaite, Inch'Allah. Pour revenir donc maintenant à la réponse du Cheikh. يقول الشيخ رحمه الله تعالى القرآن كلام الله عز وجل حقيقة كلام الله عز وجل حقيقة c'est-à-dire que le Coran est la parole d'Allah réellement et réellement la parole d'Allah et réellement la parole d'Allah et concrètement la parole d'Allah le Coran est la parole d'Allah de par ses lettres et ses significations donc le Coran comprend des lettres les lettres qui sont écrites, comme on le sait, et il comprend aussi ses significations. Il comprend, c'est-à-dire des significations. Al-huruf, qui sont les lettres, et il comprend aussi le Coran des significations. Al-ma'ani. Donc le shir, il nous dit al-hurufu wa ma'ani, c'est-à-dire que le Coran est la parole d'Allah de par ses lettres et ses significations. Et donc ensuite, il nous dit qu'on n'a pas le droit de faire la différence entre les lettres et les significations. C'est-à-dire de dire que simplement ce sont les lettres qui sont de la parole d'Allah et les significations ne sont pas de la parole d'Allah Azzawajal. Ou de dire l'inverse, de dire que le Coran est la signification sans les lettres, la signification, c'est-à-dire les significations des versets sans les lettres, c'est-à-dire dire l'inverse. Non, ça ce n'est pas la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Leur croyance à eux, les gens de la vérité, c'est que le Coran est la parole d'Allah de par ses lettres et ses significations. Il nous dit qu'Allah a parlé réellement de sa propre parole. Allah Azzawajal a parlé réellement de sa propre parole. Takallama Allahu bihi qawlan wa anzalahu ala nabihi wahyan. C'est-à-dire qu'il a fait descendre donc le Coran, la révélation. Non, il l'a fait descendre ce Coran comme révélation sur son prophète. Il a fait descendre comme révélation sur son prophète. Wa amani wa amana bihi al-mu'minuna haqqan. C'est-à-dire que les croyants ont cru en ce Coran comme étant réellement la parole d'Allah, en toute vérité. C'est-à-dire que les croyants, as-sahaba wa as-salaf, as-sahaba plus particulièrement, wa as-salaf de façon plus générale. Wa min tabi'ahum, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les compagnons et les tabi'in ou atba' tabi'in. C'est-à-dire qu'ils ont cru réellement que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit ensuite le shir, il est la parole du miséricordieux et même si on l'écrit avec nos doigts, même si on le transcrit avec nos propres doigts, c'est-à-dire qu'on l'écrit. Et même si on le récite avec notre langue, et même si on l'apprend par nos cœurs, même si on apprend ce Coran par nos cœurs, et même si nos oreilles l'entendent, et même si on le voit ou on le lit par nos propres yeux. Même malgré tout cela, par rapport à tout cela, on dit que le Coran est la parole d'Allah Azzawajal. Même si on l'écrit, si on le récite, si on l'apprend, si on l'entend, si on le voit, de par nos, c'est-à-dire de par nos membres, on atteste que la parole, cette parole-là, est la parole d'Allah Azzawajal. Ensuite, le shir, il détaille. Il nous dit qu'en fait, l'encre, les crayons, les feuilles par lesquelles on écrit, elles mushaf. C'est-à-dire le mushaf qui est le livre qu'on a entre nos mains. Donc il nous dit le shir, l'encre, les crayons et les feuilles que l'on utilise pour donc écrire ce Coran, ce sont des choses qui sont créées. Et ensuite il nous dit ce qui est écrit n'est pas créé. Donc pour écrire le livre, on a besoin d'encre, on a besoin d'un crayon, on a besoin aussi de feuilles. Ces choses-là sont créées, makhlouq. Et ce qui est écrit, c'est-à-dire ce qui est écrit, qui est la parole d'Allah Azzawajal, n'est pas créé. Rayru makhlouq, n'est pas créé. Donc il y a une différence fondamentale à faire entre ce qui est créé et ce qui est incréé, ce qui n'est pas créé. Donc je répète, l'encre, les crayons, les feuilles, tout ce qu'on a besoin pour écrire Al-Mus'haf, c'est-à-dire pour écrire le livre, ce sont des choses qui sont créées. Mais ce qui est écrit, ce qui va être écrit, n'est pas créé, est incréé. De même, la langue, les voix, c'est-à-dire lorsqu'on récite le Coran, on va avoir besoin d'articuler notre langue, on va avoir besoin de nos cordes vocales, c'est-à-dire de notre voix. Ces choses-là sont des choses qui sont créées. Par contre, ce qui est entendu n'est pas créé. كما يقول الشيخ والمطلوب بها على اختلافها غير مخلوق. C'est-à-dire ce qui a été récité, c'est-à-dire donc la parole d'Allah et donc le Coran n'est pas créé, est incréé. Il nous dit aussi le shir que la poitrine, donc où se trouvent les cœurs, ce sont des choses qui sont créées, qui font partie de l'être humain et qui sont des choses créées. Par contre, ce qui est appris par cœur est incréé. Ce qui est appris par cœur est incréé. والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق. Pareil pour l'asma, c'est-à-dire pour lui, c'est-à-dire lorsqu'on entend le Coran, on entend par quoi? Par nos oreilles. Nos oreilles sont en fait mahlouqa, sont créées. Alors que ce qui est entendu n'est pas créé, est incréé. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça, c'est une différence et un point à faire. Et c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Celui qui croit, contrairement à ce qu'il vient d'être dit, comme nous a dit le shir, وَآمَنَ بِيَ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ وَالْمَعْنَا هُنَا الصَّحَابَةُ وَالسَّلَفُ صِفَةُ عَامٍ وَمِنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ. Donc celui qui croit, contrairement à cela, est un innovateur et n'a pas la croyance, ou sa croyance est différente de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Taïb, comme on a dit, et ça en fait, c'est le minhaj shir, c'est-à-dire c'est la méthodologie du shir, c'est la méthode du shir qu'il emploie dans son livre. Lorsqu'il nous affirme quelque chose, il apporte des preuves. Lorsqu'il nous affirme quelque chose, le shir, qui est en relation avec la croyance, il nous apporte des preuves. Pourquoi ? Parce que cette croyance-là, c'est une croyance que l'on ne prend pas par ou que l'on ne reçoit pas par notre intelligence, ou qu'on ne conçoit pas par notre intelligence. Cette croyance-là, on la prend binnaql, c'est-à-dire on la tire du Coran et on la tire de la Sunna. Et suivant, toujours biad al-qaid al-muhim, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc c'est ça notre croyance. Notre croyance, on la prend de cette source authentique qui est le Coran et qui est la Sunna. Donc le shir va nous apporter maintenant des preuves du Coran. Il va nous apporter des preuves du Coran par rapport à ce qu'il a dit. Taïb. Le premier verset qu'il nous a dit, le shir, Innahu la Qur'anun Karim fi kitabim maknun. Et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé. Ça, c'est Sourate l'événement et le verset 77 et 78. Donc en fait, il nous dit Allah Azzawajal que ce Coran-là, fi kitabim maknun, c'est-à-dire que c'est un livre qui est bien gardé, et donc qui ne peut être absolument pas falsifié. Wa yaqul kadhalik, où il nous donne aussi un autre verset, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. C'est-à-dire, il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans la poitrine de ceux à qui le savoir a été donné, et seuls les injustes renient nos versets. Ça, c'est sourate l'araignée, c'est dans la sourate l'araignée, le verset 49. Donc là, on voit que le shir, en fait, il apporte une preuve à ce qu'il a dit, de façon directe. Pourquoi ? Parce que, en fait, lorsqu'Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, nous dit que le Coran, il consiste plutôt en des versets évidents. Donc les versets, ce sont les versets du Coran. Donc, al-maqsuduna al-Qur'an, bal wa ayatun bayyinat. Ce sont des versets évidents. Ces versets-là sont préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Donc, comme il nous a dit le shir, ce qui est préservé à l'intérieur des poitrines, ce qui est préservé est en fait le Coran. Par contre, les poitrines, comme tout le monde le sait, comme Allah Azza wa Jalla nous le dit à travers ce Coran, son Coran, fi suduril ladina utul ilm. Wa sudur, c'est-à-dire les poitrines de ceux à qui la science était donnée, c'est-à-dire les savants, sont des êtres qui ont été créés des humains, donc leur poitrine a été créée. Par contre, donc leur poitrine est créée, leur cœur est créé, par contre ce qu'ils ont appris est incréé et c'est la parole d'Allah Azzawajal, comme nous le dit Allah Azzawajal dans le Coran. Comme nous le dit dans le Coran. Et ensuite il nous dit Allah Azzawajal, فيقول الله عز وجل في هذه الآية الثالثة واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لكلماته. C'est-à-dire, il récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Donc le Coran a été révélé de la part d'Allah عز وجل. Donc ça aussi c'est encore une preuve que cette parole من كتاب ربك, que le Coran est ce qui a été révélé au prophète de façon par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, comme tout le monde sait. Nul ne peut changer ses paroles. Nul ne peut changer ses paroles. Et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Donc ça, c'est le verset 27 de Sourate la caverne. Verset 27 de Sourate la caverne. Donc c'est encore une preuve que la parole est bel et bien la parole d'Allah Azzawajal. Li kalimati la mubaddila li kalimati. C'est-à-dire, la parole de qui? La parole d'Allah Azzawajal. Fa'adafa al kalimat ilayhi subhanahu wa ta'ala. Et ça, en fait, on va maintenant, avec le deuxième verset, on va rentrer un peu plus au niveau de l'explication. Dans le troisième ou dans le dernier verset que nous donne le shirk comme preuve, wa qala ta'ala wa in ahadun minal mushrikin istajara. C'est-à-dire, si l'un des associateurs te demande asile, istajara, c'est-à-dire te demande asile, accorde-le-lui, fa'ajirhu, accorde-lui cet asile, afin qu'il entende la parole de qui? Enfin, qu'il attende la parole de qui? La parole d'Allah Azza wa Jal. Hatta yasma'a kalam Allahi. Hatta yasma'a kalam Allahi. Et ça, en fait, c'est une des preuves avec le verset précédent et tous les autres versets que cette parole, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une annexion. Cette annexion qui est faite, c'est l'annexion de la parole à Allah Azza wa Jal. Kalam Allah, mudaf, mudaf ilayhi. Ça, c'est une règle qui est connue au niveau de la langue arabe. C'est une règle élémentaire de la langue arabe, au niveau de Nahu. Fayaqul Allah Azza wa Jal, hatta yasma'a kalam Allah. C'est-à-dire jusqu'à que ce hadal mushrik, c'est-à-dire cet associateur à qui on lui a fait asile, il entende la parole d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à qu'il entende la parole de qui? La parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, voilà une preuve fondamentale des gens de la Sunna et du consensus parmi tant d'autres preuves du Coran et de la Sunna, que cette parole-là, c'est la parole d'Allah Azzawajal. C'est la parole d'Allah Azzawajal. Donc, en fait, c'est une parole, si c'est sa parole, ça va être donc un sifat. Ça va être un sifat, c'est-à-dire, ça va être un attribut. Et donc, si c'est un attribut d'Allah Azzawajal, c'est un attribut comme tous les autres attributs qui n'est pas créé, c'est-à-dire qui est incréé. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, comme tout le monde le sait, est incréé, ghayru makhluq. Donc ses attributs qui sont dépendants de lui et qui sont rattachés à lui sont également incréés. Et la parole d'Allah Azza wa Jal fait partie d'un de ses attributs. Donc l'attribut de la parole est un attribut qui est dit incréé. Et comme le Coran fait partie de la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran est donc incréé. Le Coran est donc incréé. Al-Qur'anu ghayru makhluq. Al-Qur'anu ghayru makhluq. Et ça, c'est la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Pour preuve, ce verset évident. Hatta yasma'a kalam Allah. Lakin madha qalu ha'ula al-mubtadi'a. Qu'est-ce qu'on dit les gens de l'innovation pour répondre à ce verset? Parce que ça, c'est une preuve évidente. Personne ne peut le nier, subhanallah. Personne ne peut nier ce verset. Hatta yasma'a kalam Allah. Mudaf, mudaf ilayhi. Wa hadha min sifatillah azza wa jal. Taïb, madha qalu? Madha qalu? Et là, on va en fait rentrer un peu plus dans les détails. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important de comprendre ce point-là. Et ça va nous aider également à comprendre beaucoup d'autres versets du Coran lorsqu'il y a fait une annexion entre Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le Créateur, subhanahu wa ta'ala, et une autre chose. Et on va voir en fait quelle est la nature de cette chose, et on va à travers cela pouvoir comprendre un peu mieux ce verset et pouvoir répondre à ceux qui ont essayé de réfuter la signification de ce verset. Ils ont essayé de réfuter la signification de ce verset. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas réfuter al-huruf, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réfuter ou falsifier les lettres. Donc ils ont tenté de faire une interprétation, c'est-à-dire d'interpréter, comme c'est l'habitude des gens de l'innovation, d'interpréter avec ou d'après une interprétation qui est contraire à la croyance des gens de la sunna du conseil. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Et ça a dit Shubha Minash Shubuhat. Ça, c'est un des doutes qui a été émis par les gens de l'innovation. Et en l'occurrence, Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila. Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila. C'est ceux en fait qui disent que Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya, ce sont ceux qui disent que le Coran est créé. Que le Coran est créé. Al-Qur'anu makhluq. Hada qawl man qawl al-Mu'tazilati wa al-Jahmiya. Qawl al-Mu'tazila wa al-Jahmiya sont ceux qui disent que le Coran est créé. Que le Coran est créé. Donc en fait, si on revient maintenant aux deux premières questions que je vous ai posées en début de cours ou qu'on avait émis, on va pouvoir répondre maintenant à la deuxième. Donc là, en l'occurrence, la deuxième question. Et on va pouvoir répondre donc que la parole d'Allah Azzawajal est une parole qui est propre à son être divin. Cet attribut, la parole, est propre à l'être divin. Et qu'Allah Azzawajal se qualifie, se caractérise par cet attribut qui est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est la réponse à la première ou la deuxième question. Ça nous permet en fait de mieux comprendre al-mas'ala, c'est-à-dire la question. Et donc ce n'est pas, comme l'on dit, c'est là l'égarement des Mu'tazila et al-Jahmiya, ce n'est pas en fait une chose, c'est-à-dire le Coran et la parole d'Allah qui est kharijun an dhat wa munfasilun anhu, c'est-à-dire qui n'est pas en dehors de l'être divin et qui est indépendant, complètement indépendant de l'être divin. Donc s'il est en dehors de l'être divin et indépendant de l'être divin, automatiquement ça va être ce qu'on appelle une chose qui est créée. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Allah Azzawajal est créé et tout ce qui fait partie d'Allah Azzawajal est incréé. Donc on comprend maintenant à travers cette question l'égarement de ces gens-là. Si on se repose la question, on comprend comment eux ils se sont égarés par rapport à ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont dit donc pour revenir à leur doute ? Ils ont dit, dans le Coran, on entend « naqatullah » ou « baytullah ». C'est-à-dire, on entend dans le Coran « naqatullah », c'est-à-dire la chamelle d'Allah Azzawajal. Et on entend, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'objet ici, ou la chose est annexée à Allah Azzawajal. On entend aussi « baytullah », « baytullah », c'est-à-dire la maison d'Allah Azzawajal. Donc, qu'est-ce que leur shubhat ? Ils disent bien sûr, lorsqu'on dit la maison d'Allah, et qui est donc la Kaaba, lorsqu'on fait cette annexion à Allah Azzawajal, est-ce que ça veut dire que cette maison-là fait partie d'Allah Azzawajal et donc est un attribut de lui ? Non. C'est yani al-Baytullah, c'est une chose qui est créée, que l'on peut toucher, que l'on peut voir, al-Kaaba, et ça ne fait pas partie d'Allah. De même, kalamullah. Lorsque l'on dit kalamullah, c'est-à-dire qu'on annexe la parole d'Allah Azzawajal à son entité, c'est-à-dire à l'entité d'Allah qui est le terme Allah, donc qui est voulu par Allah, kalam Allah. Qu'est-ce qu'on dit par là? On dit en fait simplement c'est une annexion qui est dit idafatun lit tashrif. Par rapport à ça, maintenant on va rentrer dans les détails pour vous expliquer de façon beaucoup plus détaillée, et en fait on va rentrer dans ce qu'on appelle Aqsam al-mudaf ila Allah Azza wa Jal. Aqsam al-mudaf ila Allah Azza wa Jal. Pourquoi je rentre dans ce détail ? Le cheikh certes ne l'a pas cité dans son livre, mais je rentre dans ce détail parce que c'est un détail qui est très important. C'est un détail et c'est un point qui est important qui va nous permettre de comprendre beaucoup de points au niveau des versets du Coran. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va trouver une annexion d'une chose à Allah Azza wa Jal, on va comprendre quelle est la nature de cette chose et on va pouvoir en déduire est-ce que cette chose-là est en fait un attribut d'Allah Azza wa Jal, ou est-ce que c'est donc un créé, ou est-ce que c'est une chose qui n'est pas d'un attribut d'Allah Azza wa Jal et qui est en fait créée, comme le terme naqatullah et comme le terme baytullah. Donc aqsam al-mudaf ila Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les catégories d'annexion à Allah Azza wa Jal. Tayyib. Il y a en fait deux grandes catégories. Il y a deux grandes catégories par rapport aux catégories d'annexion. La première annexion, idafatu sifatin aw ma'ani. Idafatu sifatin aw ma'ani. C'est-à-dire l'annexion donc d'Allah Azzawajal, du terme Allah Azzawajal, l'Afdal Jalala, annexion aux attributs ou au sens. Annexion aux attributs ou au sens. Donc c'est annexé, ce prisme, cette catégorie, c'est annexé l'attribut à celui qui est caractérisé, désigné par ce même attribut. C'est annexé l'attribut à celui qui est caractérisé, désigné par ce même attribut. Donc c'est ibafatu sifatin aw ma'ani. Ça, c'est en fait la première catégorie. Et c'est là en fait que rentre la catégorie, ou c'est dans cette catégorie que rentre le terme qui est dit dans ce verset, hatta yasma'a kalamullah, c'est-à-dire la parole d'Allah. Lorsqu'on dit la parole d'Allah, c'est en fait, ça rentre dans le sens et dans l'attribut. Donc automatiquement, ça, c'est une annexion qui est donc faite à Allah Azza wa Jal, et ce qui est voulu ici, c'est donc son attribut. C'est son attribut. Et donc son attribut est incréé. Donc ici, en l'occurrence, la parole d'Allah Azza wa Jal est incréé. Donc c'est annexé l'attribut à celui qui est caractérisé par ce même attribut. Lorsqu'on dit maintenant ilmullah, lorsqu'on dit ilmullah, la science d'Allah, la science, c'est un attribut ici, comme tout le monde le sait, c'est un attribut. Et comment on peut le savoir? On sait que c'est un sens en fait. La science, ce n'est pas quelque chose qui est palpable, que l'on peut voir, que l'on peut toucher. C'est un sens en fait. Donc par rapport à ça, il va de même pour le kalam. Donc lorsqu'on dit ilmullah, c'est donc annexer à Allah Azza wa Jalla un attribut. Donc c'est l'annexation d'un attribut à Allah Azza wa Jalla. Donc là, ça rentre dans la première catégorie. Ibafatu sifatin aw ma'ani. Et donc al-mudaf wal mudaf ilayhi huna ghayru makhluq. Ghayru makhluqain, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas créés, qu'ils sont incréés. Donc l'attribut est donc incréé. Et donc c'est ici la signification du verset kalamullah. Taïe. La deuxième catégorie d'annexion, ibafatu zawatin aw a'yanin. Ibafatu zawatin aw a'yanin. C'est-à-dire c'est une annexion faite aux entités ou aux identités, c'est-à-dire ce que l'on peut voir de là, ou aux essences existences. Donc c'est une annexion qui est faite aux entités ou aux identités, entités ou identités. C'est-à-dire le maqsouduna, lorsqu'on dit aryan, c'est ce qu'on peut le voir par les yeux, ce qu'on peut le palper. Donc lorsqu'on dit, et là l'exemple qu'on avait donné, et c'est en fait ce que veulent par leur doute les gens de l'innovation al-mu'tazila, lorsqu'ils ont dit naqatullah, ou lorsqu'ils disent baytullah. Donc un naqa, c'est une chose que l'on peut voir, qui est palpable. Donc c'est une entité. C'est une entité. Ce n'est pas un attribut et ce n'est pas un sens. C'est quelque chose que l'on peut voir. C'est une chose que l'on peut palper. Donc c'est pour ça qu'on dit ibafatun zawat aw a'yan. Ibafatun zawat aw a'yan. Et donc c'est le cas pour ce qui est naqatullah wa baytullah, à titre d'exemple. Ou ibadullah, lorsqu'on dit ibadullah, lorsqu'on dit les esclaves d'Allah Azzawajal, les serviteurs d'Allah, ibadullah, c'est pareil, l'ibad, ce sont les gens, et les gens on les voit, ce sont des entités. Tayyib. Donc, par rapport à ça, maintenant, on peut faire la différence entre les deux types de catégories d'annexion. Et en comprenant ces deux types d'annexion, on va pouvoir faire la différence entre ce qui est des annexions aux attributs et des annexions qui sont aux entités, aux identités. On va pouvoir faire la différence entre les deux. Et donc on voit al-jahl, on voit en fait l'ignorance de ces gens lorsqu'ils nous disent ça, ou qu'ils font semblant d'ignorer, lorsqu'ils nous disent que kalamullah c'est comme naqatullah wa baytullah. C'est-à-dire que lorsqu'on dit la parole d'Allah azzawajal, c'est comme si on avait dit la maison d'Allah. Et que donc lorsqu'on faisait une annexion entre Allah azzawajal et ces deux termes, ça voulait dire que ce sont deux termes qui sont créés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des choses qui ont la même valeur. Et donc, on voit leur ignorance. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas la même valeur. On voit bien que ce n'est pas la même nature. Lorsqu'on dit kalamullah, lorsqu'on dit ilmullah, lorsqu'on dit rahmatullah, et lorsqu'on dit qudratullah, etc., on voit qu'ici, c'est une annexion qui est faite à quoi? Qui est faite ibafatun sifatin aw ma'anin, qui sont faites à des sens, à des attributs. Par contre, lorsqu'on dit naqatullah, ibadullah, Baytullah, etc., on voit que ici c'est une annexation qui sont faites à des choses qui ont pour nature des entités et des identités. Donc on voit la différence. Et donc on voit très bien que lorsqu'on dit kalam, la parole, ce n'est pas une chose que l'on peut toucher, ce n'est pas une chose qui a une entité propre, le kalam. Donc automatiquement, ça rentre dans la première catégorie, et ce qui est ce qu'on appelle ibafatul sifat ou ma'ani. Donc j'insiste sur ça, pour bien comprendre la différence, et pour bien comprendre qu'en fait ce doute qu'ils ont apporté à al-mu'tazila est un doute batil, c'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur. Au niveau du Coran et au niveau de façon plus générale au niveau de la langue arabe. Au niveau de la langue arabe. Taïb, pour continuer en fait, pour continuer dans ce qui est de la deuxième catégorie, ibafatu zawat ou aryan, c'est-à-dire annexion aux entités ou identités, il faut savoir qu'il y a deux types d'annexion qui rentrent sous cette catégorie. Le premier type, c'est ibafatu amma, c'est-à-dire une annexion d'ordre général. Une annexion d'ordre général. Et c'est celle en fait qui implique la création. C'est celle qui implique la création. Riyallati taqtadi al-khalq wal-ijad. Donc, à titre d'exemple, pour comprendre en fait cette deuxième sous-catégorie, in tu'adhibuhum fa'innahum ibaduk. In tu'adhibuhum fa'innahum ibaduk. Donc, le terme munak ibad qui mudaf ibaduk, c'est-à-dire c'est lorsque, fi surat al-ma'ida, le verset 118, c'est lorsque Isa, Jésus, parle à son Seigneur, lorsqu'il parle à son Seigneur. Il lui dit, in tu'adhibuhum fa'innahum ibaduk. C'est-à-dire, si tu les châties, alors ils sont tes esclaves. Donc, il y a une annexion. Une annexion à Allah Azzawajal. Al-kaf, onak, ya'oud il Allah Azzawajal. Fa'innahum ibaduk. Donc, on voit que cet exemple-là, c'est une annexation qui est donc, dans un premier temps, une annexion zawat ou aryan, c'est-à-dire une annexion propre aux entités et aux identités. Donc, c'est-à-dire, c'est une chose qui va être créée. Et dans un deuxième temps, c'est idafatun am, c'est-à-dire c'est une idafa, une annexion qui est dite d'ordre général. Et qu'est-ce qu'elle implique cette annexion? Elle implique donc la création. Et donc on peut s'apercevoir innahum ibaduk, que les esclaves, les hommes en fait, de façon générale, ce sont ce qu'Allah azawajal, ce qu'Allah a créé. Ce qu'Allah a créé. Et dans un autre verset, هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Donc ceci est la création d'Allah Azza wa Jalla. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ خَلْقُ اللَّهِ. Ceci est la création d'Allah. Fi surat Luqman, le verset 11. Donc ça c'est un autre exemple que ici al-khalq, donc qui est la création, c'est quelque chose donc que l'on peut voir, quelque chose qui est une entité qui est annexée à Allah Azza wa Jalla, donc une chose qui est ici créée. Et ça, cette annexion est donc rentre dans une action qui est d'ordre général et donc qui implique la création. Et le terme ici, khalq, est évident à comprendre. Donc ça, c'est pour la première sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie, ce qu'on appelle ibafatun khassa. Ibafatun khassa, c'est donc une annexion d'ordre particulière. Une annexion d'ordre particulière. Ibafatun khassa. Et cette annexion qui est d'ordre particulière, elle implique plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, elle implique un témoignage d'honneur et de respect. Donc, c'est ce qu'on appelle taqtadi at-tashrif wa takrim. Taqtadi at-tashrif wa at-takrim. Donc, elle implique un témoignage d'honneur et de respect. À titre d'exemple, le verset Subhanalladhi asra bi'abdihi. Gloire et pureté à celui qui a transporté de nuit ou qui de nuit a fait voyager son serviteur, c'est-à-dire Muhammad. Et donc le bi'abdihi al-maqsuna wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Allah azza wa jalla a dit bi'abdihi, il l'a annexé à lui-même bi'abdihi, yani bi'abdihi fal-ya'ud ila Allah azza wa jalla. Bi'abdihi, c'est en fait afin de lui faire honneur et de lui faire respect à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Couloir et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Et c'est dans cette même lignée ou dans cette même catégorie qu'on dit les Mu'tazila. Ils ont dit en fait que kalamullah, c'est comme lorsqu'on dit naqatullah. Avad min bab at-takrim wa min bab at-tashrif. Min bab at-takrim wa min bab at-tashrif. Donc, comme on l'a expliqué, on ne revient pas dessus. Hada qawlun batil. Un autre exemple, wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan. Les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Donc ici, les serviteurs du tout miséricordieux. Donc l'annexion, unaka ar-rahman fawallah azza wa jalla. Donc les serviteurs sont annexés à ar-rahman, c'est-à-dire au tout miséricordieux. Et donc cette annexion implique également ici un témoignage d'honneur et de respect. Aïbad ou Ahman sont ceux qui marchent humblement sur la terre. La deuxième, on va dire la deuxième signification ou la deuxième implication, c'est celle qui implique bien au contraire l'affront et l'humiliation. Fa'iya taqtabi al-ihana wa al-dhulm. C'est celle qui implique l'affront et l'humiliation. À titre d'exemple, ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. La tattakhidhu aduwi, donc c'est Allah Azza wa Jalla qui parle. Aduwi, donc il fait une annexion à lui-même. Ne prenez pas comme mes ennemis ou mon ennemi, aduwi, mon ennemi, wa aduwakum, c'est-à-dire et vos ennemis comme alliés. Comme alliés. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla ici qala aduwi, c'est en fait une annexion. Donc l'annexion de l'ennemi à Allah Azza wa Jalla. Par contre, cette annexion, c'est celle qui implique, comme je vous ai dit, l'affront et l'humiliation, c'est-à-dire taqtadi ihana wa dhul. Taqtadi ihana wa dhul. Contrairement à celle d'avant qui en fait implique un témoignage d'honneur et de respect. Donc là, c'est l'inverse. Et donc, on voit que le terme adou est donc annexé à Allah Azzawajal. Et dans ce cas-là, c'est donc l'humiliation. C'est en fait pour humilier ces gens-là. Lorsqu'on dit adou Allah, c'est pour en fait humilier ces gens-là. Alors qu'il y a ici une annexion. Et donc, cette annexion rentre aussi dans la deuxième catégorie qui est Bafatul Dawat wa Ariel. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Maintenant, lorsqu'on va lire le Coran, lorsqu'on va lire le livre d'Allah Azzawajal, on va pouvoir faire la différence entre les annexions. Donc, est-ce que c'est une annexion dans un premier temps qui une annexion faite à un attribut ou un sens, ou une annexion qui est faite à une entité ou une identité. Et ensuite, savoir si c'est une annexion qui est de façon qui est d'ordre général ou d'ordre particulier. Et si elle est d'ordre particulier, de savoir si c'est un témoignage d'honneur et de respect ou c'est bien au contraire ce qui implique l'humiliation. Donc le cheikh ensuite il continue au niveau de l'explication. Il continue au niveau de l'explication pour ce qui est de la question 83. On est toujours dans la question et la réponse de la question numéro 83. Il nous cite aussi le cheikh, donc il nous a cité aussi ce qu'on appelle un athar an Ibn Mas'ud. Faqala Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu adimu an-nazara fil mushaf. C'est-à-dire plongez votre regard ou scrutez du regard le plus souvent le livre d'Allah Azza wa Jalla. Plongez votre regard sur le livre nam, yani mushaf hunak, le livre. Wa nusus fi dhalika la tuhsa. C'est-à-dire que le shir nous dit que les preuves par rapport à ce qu'il a dit précédemment sont innombrables quant au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, maintenant la deuxième partie de la réponse, et on va terminer par cela inshallah. La deuxième partie de la réponse c'est celle en fait qui vient répondre directement à la question. Donc la question c'était ma hukmu man qala bi khalq al-Qur'an, quel est le jugement porté à celui qui dit que le Coran est écrit. Fa yaqulu shaykh wa man qala al-Qur'an aw shay'un min al-Qur'an, c'est-à-dire celui qui dit que le Coran ou une partie du Coran, c'est-à-dire certains versets du Coran, lorsqu'on dit une partie, c'est-à-dire certains versets, aw shay'un min al-Qur'an makhluq fa huwa kafir. Donc il nous dit le shir, celui qui dit que le Coran est créé est un mécréant. Et il nous précise lorsqu'il nous dit mécréant, comme vous savez, ça on le verra inshallah bien plus tard au niveau du livre, le shir va entrer dans cette question là que le kufr est qasim la qismen, kufrun akbar ou kufrun asghar. Donc là le shir en fait il nous précise que cette mécréance est d'ordre majeur. Cette mécréance est d'ordre majeur. فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام للكلية. C'est-à-dire c'est un mécréant qui sort totalement de l'islam. Donc un mécréant qui sort totalement de l'islam. Donc il sort de la foi. C'est-à-dire qu'on ne dit plus que c'est une personne qui est musulman et croyant. Non, c'est un mécréant. Donc ensuite le shir nous dit pourquoi. لأن القرآن كلام الله. C'est-à-dire que le Coran est la parole d'Allah Azzawajal. La parole d'Allah Azzawajal est un attribut. Et donc, si c'est un attribut, donc cet attribut est un créé. Et donc, il faut revenir sur donc, les versets qu'il nous a cités comme preuve. Naam. لأن القرآن كلام الله تعالى. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Donc il nous dit qu'il est, il est parti d'où ce Coran? Ou il a commencé d'où ce Coran? Il a commencé d'Allah Azza wa Jal. Il a commencé d'Allah Azza wa Jal. Le Coran vient de lui. Le Coran est venu de qui? Est venu d'Allah Azza wa Jal. Minhu bada'a. Minhu bada'a. Et ça, c'est encore une, comment dire, un rad à la Mu'tazila. C'est encore une réfutation qui est faite aux Mu'tazila, qui disent en fait, sans rentrer dans tous les détails, qui disent en fait que le Coran en fait a été créé dans un endroit. Donc qu'il n'est pas en fait venu d'Allah Azzawajal. Le Coran ne vient pas directement d'Allah. Allah Azzawajal l'a créé dans un endroit. Certains disent, lorsqu'ils disent par exemple l'arbre, ils disent par exemple un arbre. Ils disent en fait plusieurs choses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour lorsque le shir nous dit Minhu Bada, c'est-à-dire il vient d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire que le Coran, cette parole-là, est venue d'Allah Azzawajal, donc c'est un attribut de lui. C'est un attribut de lui. Wa ilayhi ya'ud, wa ilayhi ya'ud. C'est-à-dire que c'est à lui qu'il va revenir. Le Coran va revenir à lui, comme il est connu d'après la sunna du prophète, que à la fin du temps, que le Coran en fait, que Allah Azza wa Jal va reprendre en fait le Coran. Donc il va revenir le Coran à lui. Il va revenir à lui. Wal kayfiyya fi dhalik, c'est-à-dire le comment dans cela, ça on ne le sait pas. Et ça revient en fait encore à une règle fondamentale que l'on retrouve et qu'on a étudié lorsqu'on a étudié Tawhid al-Asma wa Sifat, lorsqu'on a étudié l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans ses noms et ses attributs. Ça, c'est une règle fondamentale. Toujours cette règle-là, elle revient, subhanallah. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul wal-basir, wa huwa as-sami'ul basir. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla ne ressemble aucunement à ses créatures dans ses attributs et dans ses fidhati, c'est-à-dire dans son entité. Et fi af'ali, c'est-à-dire dans ses actes. Allah Azza wa Jalla ne ressemble aucunement à ses créatures dans tout cela. Donc on ne peut savoir comment Allah Azza wa Jalla a parlé, comment il est venu d'Allah Azza wa Jalla et comment il reviendra à lui. Ça, ces choses-là, on ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que c'est des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Beaucoup de savants le disent. Akhbirni kayfa Allah Azza wa Jalla fa sa'ukhbiruk kayfa sifat. C'est-à-dire, dis-moi comment Allah Azza wa Jalla il est, comment est son entité, et moi je te dirai ensuite comment Allah Azza wa Jalla il est par rapport à ses attributs. Donc, le fait de ne pas pouvoir savoir et de ne pas avoir la science comment est Allah Azza wa Jalla, l'entité d'Allah Azza wa Jalla, de même, on ne peut savoir comment sont les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et ce sont des attributs qu'il nous est impossible de nous imaginer. Donc, par rapport à ça, on ne rentre pas dans Al-Kayfiyya, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le comment. C'est-à-dire que là, on sait qu'Allah Azza wa Jalla a parlé, et comment il a parlé, on ne peut pas savoir. Wa kalamu sifatu. Donc le shir nous dit que wa kalamu sifatu, c'est-à-dire il nous dit que la parole d'Allah Azza wa Jalla, sa parole est son attribut. Wa kalamu sifatu. Donc on répond également aussi il répond le shir à la deuxième question que je vous avais dit. هل الكلام قائم بذاته ومتصف به فيقول الشيء نعم كلامه صفته. Donc la parole d'Allah est son attribut, donc, et si c'est un attribut, ça veut dire que c'est une chose qui fait partie entière d'Allah Azza wa Jalla et donc qui est incréé. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع. C'est-à-dire que le shir en fait maintenant il nous dit, et celui qui dit, vu que la parole d'Allah est son attribut, donc celui qui dit que l'attribut un des attributs d'Allah Azza wa Jalla est créé, qu'un des attributs d'Allah Azza wa Jalla est créé, donc ça c'est du kufr, ça c'est une apostasie. Donc de même, celui qui dit que le Coran est créé, vu que c'est son attribut, donc de même a commis un acte d'apostasie. Cet acte d'apostasie le fait sortir de l'islam. فَلِذَٰلِكَ يَقُولُ الشَّيْخُ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى الْإِسْلَامِ. Donc là en fait il dit al-hukm, il dit en fait maintenant le jugement qui est porté. Le jugement c'est que donc il est considéré comme un mécréant, et donc soit on lui demande, c'est-à-dire c'est ici masalat al-tawba al-istitab, c'est-à-dire qu'on lui demande de revenir par rapport à ce qu'il a dit, on lui demande de se repentir de cette parole-là. S'il ne se repent pas, alors on le tue. C'est-à-dire qu'on le tue en tant que mécréant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, comme le shirk, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'aura absolument rien, il n'obtiendra rien des lois des musulmans. C'est-à-dire qu'on va l'enterrer, on ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans et on ne prie pas sur lui. Donc voilà pour ce qui est de cette question. Ensuite, donc, la deuxième question qui va venir, ou plutôt la question suivante, qui est la question 84, cette question-là va nous permettre de répondre à la première question que l'on a dit. Donc enregistrez bien toujours les deux questions que je vous ai dites. La première question qui était, pour la redire, c'est-à-dire est-ce que sa parole, la parole d'Allah Azzawajal, est en relation ou est subordonnée à sa volonté et à sa puissance, ou bien non. Et ça aussi, c'est un des points dans lequel des gens de l'innovation se sont égarés. Donc en fait, dans la question 84, le chien en fait va nous répondre à cette question-là de façon détaillée et va donc parfaire par ce point-là la connaissance de la croyance des gens de la sunna vis-à-vis du Coran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك